penaud, navré, Samuel s'excusa, tandis que Marianne riait, aux anges. Qu'il ait pu craquer de cette manière était pour elle plus flatteur que frustrant. Il la serra contre lui, un peu essoufflé, puis embrassa son épaule, ses seins, son ventre. Même s'il avait pris son plaisir trop tôt, trop vite, pour une fois incapable de se contrôler, il allait s'occuper d'elle, elle le savait. C'était un merveilleux amant. Il la rendait folle au lit, mais elle n'aurait jamais cru lui faire le même effet. Elle avait un peu maigri durant ses vacances, l'appétit coupé par l'absence de Sam, et 15 jours de soleil lui avaient donné un joli bronzage doré, éclaircissant encore ses cheveux blonds. Dans les yeux des autres hommes, elle s'était sentie belle, et Samuel le lui avait confirmé quand elle s'était jetée dans ses bras à l'aéroport de Blagnac. Les mains de Sam étaient d'une extraordinaire douceur, sa bouche aussi. Elle étouffa un gémissement, s'offrit davantage à ses caresses. Devenait-il enfin amoureux d'elle? Cette idée était si excitante qu'elle s'abandonna au plaisir qui montait, criant malgré elle. Il lui fallut 1 ou 2 minutes pour reprendre ses esprits. Appuyée sur un coude, Sam la regardait gentiment. Pas avec une authentique tendresse, juste gentiment. « Tu es ravissante. Tu t'es bien reposée là-bas ?» Ni passion ni déclaration. Une sollicitude amicale décourageante. À quel moment allait-il se lever ? S'éloigner d'elle en annonçant qu'il partait voler. Oh, sans doute ne l'avait-il pas trompé, à en croire son désir pressant. Non, il était probablement fidèle, sauf en pensée, car il songeait toujours à son ex-femme et ne s'en cachait même pas. « Tu as vu Pascal ces temps-ci ? » La question le prit au dépourvu. Cependant, il acquiesça d'un signe de tête. Puis, comme elle attendait la suite, il expliqua de mauvaise grâce. « J'ai déjeuné avec elle au club samedi dernier. Je l'ai emmenée faire un tour. Elle avait envie de piloter. » Et bien sûr, les envies de Pascal étaient sacrées. « Tant mieux pour elle. J'aimerais bien que ça m'arrive. » Jamais elle n'avait osé le lui demander. Mais puisque Pascal avait droit de citer à aller au club, elle refusait d'être en reste. « Tu veux apprendre ?» demanda-t-il avec un sourire. « C'est hors de prix ?»« Vraiment. Trop cher pour une simple secrétaire et trop compliqué pour moi. » Furieuse, elle se redressa d'un bond, courut jusqu'à la salle de bain où elle s'enferma. Pourquoi était-elle assez stupide pour gâcher leur retrouvaille ? Tout avait si bien commencé. « Marianne. » Elle poussa la targette, mit ses mains sur ses oreilles. Si elle l'écoutait, il finirait par la convaincre de sortir de là et de se réfugier dans ses bras. Il savait consoler, mais il ne savait pas aimer. En tout cas pas elle. D'ailleurs, il ne s'était jamais risqué à le lui dire. Il n'était pas menteur. Assise sur le rebord de la baignoire, elle demeura un long moment prostrée. Quand elle se décida enfin à bouger pour aller jeter un coup d'œil par la fenêtre, elle constata que la voiture de Sam n'était plus là. « Bien fait pour toi, pauvre idiote », articula-t-elle à mi-voix. La conquête d'un homme comme Samuel ne passait pas par les larmes, les scènes, les drames. Il le lui avait avoué dès le début. Il conservait un souvenir cauchemardesque de son divorce et n'en était pas guéri. À quoi bon exiger ce qu'il n'était pas en mesure de donner ? Elle s'approcha de la glace en pied, bloquant net son envie de pleurer. De face, de profil, elle s'observa sans indulgence. Ravissante en effet, elle l'était. Alors plutôt que de s'avouer vaincue, elle devait continuer à se battre. Elle voulait Sam, elle l'aurait.